fabuleux exposé des doctorants et après l'intervention de notre invité, Éric Monin. On va aussi faire une pause au milieu. Et donc, je passe tout de suite la parole à Charline Souva, doctorante du laboratoire MHA à l'école. Bonjour à tous. C'est bon, vous m'entendez assez Il faut que je rapproche le micro. Donc, je suis Charline Souva. Je viens de terminer ma troisième année de doctorat, donc là j'attaque la quatrième, au sein du laboratoire MHAEVT. Ma recherche porte sur la pratique du projet urbain dans les shrinking cities que nous traduisons en français par l'île rétrécissante ou ville en décroissance. Donc vous allez peut-être m'entendre employer ces deux termes. Cette thèse a été financée par un contrat doctoral du ministère de la Culture et par la bourse de mobilité Exploradoc de la région Rhône-Alpes qui m'a permis d'effectuer un séjour de recherche de 3 mois aux États-Unis l'année dernière. Pour que nous ayons un peu une définition commune, j'ai repris la définition des croissances urbaines proposée par notamment les chercheurs français Emmanuel Cuvin, Guillaume Sabot et Sylvie Folle, qui désigne un processus conjoint de déclin démographique et d'affaiblissement économique qui affecte de manière structurelle deux éléments constitutifs de la ville, la densité de population et les fonctions économiques, générant d'importants effets sociaux. Et donc la décroissance urbaine peut ainsi toucher un quartier, une ville, une région, voire un pays entier. Dans le cadre de cette journée, j'ai décidé de vous organiser ma présentation en 3 temps. Donc tout d'abord, je reviendrai sur la place de l'architecte-chercheur dans la recherche sur la décroissance urbaine. Ensuite, je vous parlerai de mon positionnement de la recherche et je finirai en présentant certains des outils mis en œuvre pour analyser les cas d'études, en regardant plus particulièrement le projet d'aménagement de corridor paysager de Dessau, en Allemagne. Donc, durant ces 3 années de recherche, je me suis beaucoup intéressée à la place de l'architecte-chercheur dans les recherches sur la décroissance urbaine, et notamment en participant aux différents réseaux et événements autour de ce sujet. Ceci a influencé la manière d'aborder mon travail aujourd'hui. La recherche sur la décroissance urbaine et le concept de shrinking cities ont émergé dans les années 1970 face au déclin économique et démographique de certaines villes industrielles de la Rust Belt ou de la Ruhr. Elle propose aujourd'hui une approche pluridisciplinaire et internationale, donc autant de la géographie, de la sociologie ou des sciences politiques. Ces travaux décryptent autant les mécanismes de la décroissance que les politiques urbaines mises en œuvre pour y faire face. Les géographes restent les principaux investigateurs. Quant à l'étude des projets architecturaux urbains, ils illustrent très souvent les politiques urbaines de ces villes en tant que projets phares ou participant au renouvellement urbain. La pensée du projet reste encore peu traitée. La place de l'architecture dans ces recherches a pris de l'importance au début des années 2000 avec le programme Shrinking Cities dirigé par l'architecte allemand Philipp Oswald. Aujourd'hui, l'architecte-chercheur alimente les réflexions à 2 niveaux. Il participe à l'apport de connaissances sur le processus par son rapport particulier qu'il entretient avec l'espace et par son expertise sur le projet, il questionne le renouvellement de la pensée architecturale et urbaine dans ses contextes spécifiques mais aussi alimente les débats sur l'intervention urbaine. Et dorénavant, il a une place d'autant plus particulière à jouer car les recherches actuelles s'ouvrent sur les enjeux urbains contemporains et ce sont des pistes sur lesquelles l'architecte-chercheur peut facilement se positionner. Dans notre cas, ce travail de recherche s'intègre dans une réflexion plus large sur la pratique du projet, sur la pratique de l'architecte urbaniste et sur la fabrique de la ville en ce début du XXIe siècle face aux successives crises qui ont marqué profondément la société. Dans ce cas général, porter un intérêt pour les projets conduits dans les villes en décroissance n'est pas incohérent. En effet, l'architecte urbaniste se trouve confronté à différentes contraintes, lui demandant de s'adapter autant aux cadres socio-économiques instables et incertains, ou encore au manque de moyens humains, techniques et financiers qu'on peut faire face dans ces contextes. De ce point de départ, en 2013, quand j'ai présenté donc il y a 3 ans mon projet de thèse, ma problématique était donc dans quelle mesure oser penser les villes rétrécissantes peut être à l'origine de l'élaboration de nouvelles pensées architecturales. La relecture des travaux de Philipp Oswald et du programme Shrinking Cities m'a conduit à re-questionner ma recherche. En effet, dans ses travaux, il défend l'hypothèse que les villes en décroissance doivent servir d'impulsion pour développer de nouveaux concepts et de nouveaux modèles, que ce soit dans le développement de nouveaux langages architecturaux, de nouvelles typologies d'habitat ou encore de formes urbaines, que dans la formation aussi de nouveaux acteurs du projet. Dans cette recherche, qui, euh, dans cette recherche, donc ils ont tenté de le démontrer à partir d'un catalogage d'une diversité d'expériences menées sur l'ensemble des continents. Aujourd'hui, nous proposons de repartir de cette hypothèse pour nous demander quels enseignements pouvons-nous tirer de ces expériences dans les villes en décroissance pour notre pratique et imaginer la ville de demain. Notre hypothèse principale est que ce contexte urbain particulier aux villes en décroissance participerait ainsi à l'émergence de nouvelles formes d'habiter des territoires, qu'elles soient planifiées comme spontanées, et qui demanderait à l'architecture urbaniste de formuler de nouvelles pensées architecturales et urbaines pour accompagner ces territoires dans leur transformation. Ces expérimentations seraient ainsi porteuses d'une gestion urbaine plus soutenable. De cette hypothèse principale, trois hypothèses secondaires l'accompagnent. La première est que le processus de remodelage urbain serait générateur de nouvelles qualités spatiales et de nouvelles formes d'habitabilité de ces territoires en déclin. Il participerait ainsi à l'adaptation et à la résilience du tissu urbain face aux nouveaux enjeux démographiques et à l'occupation réelle de l'espace par les habitants et aux activités, mais aussi à la gestion de la vacance et des espaces libérés. La deuxième hypothèse est que ces expériences permettraient de re-questionner la manière dont les sols ont été consommés jusqu'à présent. Il s'agit d'une opportunité pour réfléchir aux nouveaux usages pour ces espaces vacants, et notamment en ce qui concerne l'amélioration de l'environnement urbain et de la qualité des sols. Il permettrait aussi de penser la ville de manière plus optimum pour une meilleure gestion des espaces vacants. La dernière, les contraintes liées au contexte demandent à l'architecture urbaniste de trouver des alternatives, à la fois sur le plan économique, technique et humain, pour aboutir à la réalisation de projets et à sa pérennité dans le temps. Elle conduira ainsi à envisager le processus de projet différemment et à développer de nouveaux outils permettant la mutation de la ville à court terme comme à long terme, et notamment en intégrant les habitants. Pour les vérifier, nous nous sommes intéressés depuis 3 ans plus particulièrement au projet proposant un travail de remodelage urbain sur la ville. Nous entendons par remodelage urbain le processus simultané de déconstruction-reconstruction du parcellaire, du bâti et de redéfinition des usages, impactant à la fois la forme urbaine et le paysage urbain. Plusieurs critères ont été déterminés pour faire cette sélection de projets qui allaient servir mon corpus de projets. Donc ces critères portent autant sur le contexte politique et urbain que sur le cadre du projet. À partir de ces critères, 6 projets ont été retenus. Ils sont réalisés ou non, imaginés depuis le début des années 2000 dans des contextes urbains et ruraux en France, en Allemagne et aux États-Unis. Ils sont implantés dans des tissus urbains différents. Les projets ne sont pas identiques en termes d'échelle spatiale et temporelle, mais ils montrent les tendances actuelles en termes de pratique de ce remodelage urbain. Le travail d'analyste est jusqu'à présent articulé autour de 2 axes. Le premier doit permettre de comprendre toutes les dimensions auxquelles l'architecte urbaniste est confronté dans le processus de projet. Le deuxième a pour objectif de comprendre et d'apprendre de ses projets. Nous regardons les cas d'études ainsi de 2 manières. Tout d'abord par une approche historique pour comprendre l'évolution de la pensée du projet face à la décroissance urbaine depuis ces 40 dernières années, et par une mise en discussion des études de cas illustrant les pratiques de remodelage urbain. Ce regard par l'histoire nous a conduit à situer le corpus de projets face à différents projets architecturaux et urbains emblématiques menés dans ces villes en décroissance. Nous avons pu remarquer des tendances, comme l'opposition entre des projets architecturaux phares dans des démarches de marketing urbain et l'émergence de grandes stratégies territoriales assumant la décroissance urbaine. Mais aussi la récurrence de certaines pratiques et modèles urbains dans le temps, comme la ville archipel ou la ville compacte. De contexte ressortent aussi plus particulièrement les États-Unis et l'Allemagne. Ces deux contextes ont également été le support de 2 projets manifestes imaginés dans les Shrinking Cities et reconnus pour leur apport théorique sur la pensée de la ville contemporaine, et notamment avec le projet La ville dans la ville, Berlin, un archipel vert par Oswald Engers, auquel Raymond Poulas a participé en 1977, ou encore le projet des campings Detroit par Charles Waldheim et Marie-Lise Santos-Millet, imaginé dans les années 1990. Ces 2 projets illustrent la complexité des échelles d'intervention et la nécessaire remise en question des modèles de développement actuels au service de la croissance. Le socle de la recherche ne se base pas sur une analyse comparative de ces 6 cas d'études, mais sur leur mise en discussion. La diversité des terrains et des jeux d'acteurs, mais aussi le type de commande et les échelles d'intervention ne le permettent pas. Les enjeux sont plutôt de valoriser cette diversité des approches et des pratiques actuelles et de voir les questions que soulèvent ces contextes dans la pensée du projet et du remodelage urbain. Nous pourrons ainsi mettre en avant leurs spécificités et les bonnes pratiques pour ensuite les croiser afin d'alimenter la réflexion. En fonction des hypothèses, les cahiers d'études ne sont donc pas sollicités de la même manière. Pour cette dernière partie de la présentation, j'ai décidé de vous présenter une partie de ma méthodologie de travail en partant du projet d'aménagement du corridor paysager de Dessau. Donc la ville de Dessau fait partie de ces villes est-allemandes clairement identifiées en décroissance. Célèbre pour avoir accueilli l'école du Bauhaus dans les années 1920-1930, la ville a été marquée pourtant à deux reprises au cours du XXe siècle par la démolition et l'abandon. Pendant la Seconde Guerre mondiale une première fois, et depuis les années 1990 à aujourd'hui. En effet, depuis 25 ans, la ville de Dessau connaît une décroissance avec notamment une chute brutale de la démographie entre 1990 et 2005, où elle a perdu près de 25% de sa population. Et aujourd'hui, les causes sont multiples à la différence de la Seconde Guerre mondiale. La ville fait face à une désindustrialisation, au départ des habitants vers les périphéries ou la partie est de l'Allemagne, ou encore la transition politique et démographique. Le projet de corridor a été défini entre 2005 et 2009 par l'agence allemande Station C23. Elle est la mise en application de la stratégie urbaine Urban Core Landscape Zone, née en 2001 du croisement entre le programme IBA et la stratégie de développement urbain de la ville. Ce projet de corridor représente une bande de ville de plus de 90 hectares à redéfinir et sur laquelle va s'appuyer le travail de remodelage urbain. Nous avons choisi ce projet pour ses valeurs et son positionnement innovant. En effet, il permet de se confronter à une stratégie urbaine assumant la décroissance urbaine, mais aussi à l'expérimentation d'un modèle urbain, celui de la île archipel. Nous sommes face à une démarche totale de remodelage urbain, où nous passons d'une pensée globale à grande échelle à un travail de conception urbaine et paysagère fin et détaillé, à l'échelle de la rue, des espaces ouverts et du bâti. Jusqu'à présent, l'étude de ce projet s'est articulée en trois temps. Tout d'abord, nous avons une première récolte de l'ensemble des documents à disposition en France. Ensuite, nous avons une phase de terrain en juillet 2015. Et aujourd'hui, nous sommes dans la troisième phase, c'est-à-dire le traitement des données et les premiers résultats. L'une des spécificités de ce projet par rapport au reste du corpus a été la quantité et la diversité des documents à disposition qu'il a fallu identifier, donner un statut et traiter. Ceci a d'abord consisté à repérer les ouvrages de référence présents dans le projet, mais aussi à distinguer les différents documents graphiques mis à disposition, donc là par exemple les plans stratégiques d'Urban Core Landscape Zone imaginés en 2001, ou encore cet organigramme qui présente l'évolution du projet dans le temps, donc par phase, et le travail avec les habitants. Ou encore le manuel de présentation du projet du corridor proposé par l'équipe de maîtrise d'œuvre. Il y a eu aussi une des récoltes de première photographie des interventions, donc pour se donner un premier aperçu de l'état du projet en amont. La visite du projet a consisté à un arpentage total du corridor, donc cet été, en juillet 2015, qui a permis d'une part de comprendre l'impact spatial de la ville en décroissance. En effet, par rapport à mes différentes expériences de terrain pendant ce travail de thèse, nous avons pu constater que les caractéristiques du tissu urbain ne donnent pas les mêmes perceptions de la vacance et du vide dans ces territoires en décroissance. Et d'autre part, donc, cette expérience de terrain avait pour but d'identifier les éléments de projet aboutis ou non, les nouvelles spatialités et spécificités du paysage urbain, mais aussi les usages réels de ces nouveaux aménagements. Ce travail d'arpentage a été couplé avec deux entretiens majeurs. J'ai rencontré Michael Rodolphe de l'agence Station C23 qui a défini le projet de corridor, et Eike Breckner qui a fait partie de l'équipe de la Fondation Bauhaus dans le cadre de l'IBA, qui a participé à la fois à la définition de la stratégie urbaine en 2001, mais aussi au projet habitant Pixel qui est intégré dans le projet de corridor. Cet arpentage et ces rencontres ont conduit à un retournement radical de la compréhension et à la perception du projet. Selon les points de vue, ce n'étaient pas les mêmes dimensions du projet qui étaient mis en avant. Mais aussi, nous avons pu nous rendre compte d'un décalage entre les réalités du projet et la manière dont il était communiqué, qui a faussé la première lecture du projet. À partir de tous ces éléments, la constitution d'une timeline a été nécessaire. Cet outil a été utilisé pour les différents projets, les différents cas d'études que nous proposons d'étudier dans le cadre de les thèses, et permet de poser les différentes strates du processus de projet. Il permet à la fois de distinguer tous les niveaux de complexité et de comprendre les temporalités et les échelles du projet. Selon nos hypothèses, l'usage du dessin et de la photographie ont été centrales pour conduire notre analyse sur la conception du projet. Un travail de cartographie a tout d'abord été effectué, et pour le cas des sauts, ceci nous a notamment permis de replacer la stratégie urbaine à l'échelle de la ville et de points essentiels en sont sortis. Le premier, l'échelle du projet, est assez réduite face à l'emprise totale de la ville. Et le second point est la non-intégration de Roslo dans cette stratégie urbaine qui a été, avec Dessau, fusionnée en 2007. Et du coup, il n'y a pas eu de réajustement de cette stratégie urbaine. Ensuite, le redessin a servi à l'analyse typomorphologique à l'échelle de l'îlot pour comprendre et retranscrire l'évolution du tissu urbain et les données spatiales participant à cette transformation. Nous regardons autant, donc sur l'ensemble des projets, nous regardons autant les actions sur le parcellaire, la gestion de la densité, comme des espaces ouverts, l'évolution des usages des sols. Par exemple, donc avec cette illustration, nous avons tenté de regarder l'état de l'intervention urbaine aujourd'hui et nous avons pu constater un décalage entre les objectifs et sa mise en œuvre. Donc sur le plan que vous pouvez voir à droite, donc ce qui est en pointillement, c'est ce qui a été démoli et en rose, c'est ce qui aurait dû être démoli, en plus de ce qui a déjà été fait. En parallèle, donc nous avons aussi conduit un regard sur le vide construit qui nous a permis de comprendre l'importance accordée au choix de la déconstruction pour construire et définir donc, ces vides comme nouvel élément structurant de la ville. À chaque fois, c'est plus de la moitié des îlots qui ont été à redéfinir. Cependant, nous avons pu voir qu'il n'y a pas eu de travail spécifique sur parcellaire par rapport aux autres projets qu'on a pu étudier. La municipalité n'ayant pas de mainmise sur le foncier, la gestion a été laissée aux bailleurs. Et cette remarque est très spécifique aux deux projets que j'ai pu étudier en Allemagne. Ensuite, la photographie apporte une autre échelle d'analyse. Ici, elle permet de matérialiser et de montrer l'état des dispositifs urbains et paysagers. Nous avons pu identifier différents niveaux d'occupation de parcelles laissées aux habitants. Ces données ont nécessité quand même de revenir sur le contexte pour les comprendre. Le manque d'implication des habitants et la fin des subventions n'a pas permis la pérennité de nombreuses micro-actions sur l'espace public. En parallèle de cette analyse photographique, nous avons mis en place des collages analytiques pour comprendre les interactions entre les différents dispositifs urbains et paysagers et définir leur qualité. Et surtout des éléments qui n'étaient pas visibles à travers le plan. Dans ce collage, nous avons pu voir l'importance donnée à certains composants végétales, comme les arbres, qui viennent structurer l'organisation urbaine ou redonner des éléments de repère visuels. Pour finir sur les outils, l'une de nos hypothèses questionne le rôle de l'architecture urbaine et ses interactions entre les différents acteurs du projet. Pour retranscrire ces relations et les actions de chacun, nous avons réalisé un organigramme en plaçant l'architecte, l'équipe de maîtrise d'œuvre au centre pour d'une part l'affirmer comme objet de réflexion, et d'autre part, comprendre le rôle de chacun dans le projet. Comme vous avez pu le voir, je vous ai montré un extrait de mon travail actuellement en cours et certains outils auxquels j'ai dû faire appel pour répondre à mes hypothèses. Jusqu'à présent, plusieurs éléments commencent à ressortir de l'analyse. Tout d'abord, nous avons pu constater que le type de tissu urbain et le type de propriétaire induit un processus de remodelage particulier à chacun des contextes. Par contre, à chaque fois, dans la construction de cette nouvelle habitabilité de l'espace, nous soulignons l'importance accordée au traitement des vides et aux espaces ouverts qui ne sont pas pensés comme des résidus, mais au contraire comme des éléments premiers sur lesquels se base la recomposition urbaine. Des mécanismes comme la renaturation sont aussi explorés et offrent une possibilité de réversibilité au statut du sol. Le bâti ne devenant plus une matière première unique, le remodelage urbain prend un tout autre sens et inclut notamment cette question de paysage et qui fait, donc dans ce travail, m'a permis de me référer notamment à une hypothèse de Charles Waldheim qu'il présente pour Détroit, qui explique que dans ces contextes de décroissance, le paysage est le seul médium capable de faire le deal simultanément entre les densités de décroissance et les futurs incertains. Et dans le cas de Dessau, comme je vous ai présenté aujourd'hui, ce travail du remodelage urbain et ses nouveaux usages requestionne l'image de la ville, ses composantes et son organisation. Cela touche un autre aspect, la composition des équipes de maîtres d'œuvre et leur rôle. L'architecte urbaniste n'est jamais seul. Parler d'équipe de maîtrise d'œuvre pluridisciplinaire est plus adapté. la pensée du projet croise architecture, urbanisme et paysagisme. Par ailleurs, nous avons pu remarquer que l'on conférait aux équipes de maîtrise d'œuvre de plus en plus le rôle d'assistance, que ce soit auprès de la maîtrise d'ouvrage qu'auprès de la maîtrise d'œuvre. Ceci montre une tendance déjà décrite au début des années 2000 en Europe par Michel Bonetti, qui se démarque d'autant plus dans les villes en décroissance. Elle traduit une manière dont ces équipes surpassent les différentes contraintes pour aboutir au projet et à sa pérennité, et notamment en déléguant certaines tâches aux habitants. Pour conclure, ce travail de recherche sur le projet m'interroge sur ma future pratique et les méthodes et les outils à proposer dans le processus de projet. Les temporalités du projet et les travaux sur le parcellaire sont aujourd'hui des fondements essentiels explorés dans le cadre de concours architecture urbain, permettant ainsi de faire des allers-retours entre les pensées théoriques et commandes concrètes sur un territoire donné. Merci. Et mené au pas de charge. De ce côté-là, vous pouvez prendre votre temps, même si vous avez dépassé de 5 minutes, je pense que vos collègues n'ont pas trop voulu. Parce que c'est difficile parfois de. C'est très riche tout ce que vous avez raconté. Moi, je ne suis pas. Les thématiques de recherche, mon travail, je ne suis pas exclusivement, même très peu tourné vers la ville. Donc, parfois, il faut un peu plus de temps pour bien intégrer tout ce que vous dites. Vous pouvez me rappeler le titre de votre travail, s'il vous plaît ? Je ne suis pas la peine de mettre la diapo. Pour l'instant, donc, le titre est le dernier titre de ma thèse. C'est « Penser la ville en décroissance, de nouveaux enjeux pour la pensée architecturale contemporaine ». D'accord. Donc c'est le titre en état qui n'a pas bougé depuis longtemps. Oui, je posais cette question tout simplement parce que je sais pas pourquoi, moi, dans ma tête, je pensais que vous alliez développer un travail purement rétrospectif, alors que vous êtes aussi dans une analyse prospective. Et votre conclusion le montre bien, puisque vous souhaitez établir un lien entre la thèse et puis le travail d'architecte également. C'est vrai que c'est plutôt un positionnement prospectif. D'accord. De ce travail de recherche. Alors, je suis doublement pris à contre-pied, ce qui me concerne. Ce qui m'intéressait, en tout cas, dans votre présentation et votre réflexion sur de ça, c'est que, finalement, en vous écoutant, je me disais, cette décroissance, vous montrez que ce n'est pas simplement une fatalité, mais ça peut être aussi un potentiel, entre guillemets. Et vous, en analysant justement la mécanique de cette du réinvestissement de ces espaces, de ces lieux, une mécanique que vous explorez de manière très fine, vous arrivez à montrer comment certains ont réussi à s'emparer de ces potentiels qui peuvent paraître extrêmement discrets, très ténus même, mais en tout cas qui peuvent être source de projets. Et ça, c'est très bien raconté. En vous appuyant aussi sur l'histoire. Moi, ce qui m'a intéressé aussi dans votre travail, c'est de voir tous les moyens que vous êtes donnés pour comprendre les sites, les séries monographiques, en quelque sorte, que vous avez fait. La manière dont vous êtes emparé de la cartographie pour redessiner, je crois que c'est essentiel. On parlait ce matin, dans le premier exposé, la question de l'appréhension du phénomène qu'on observe, et ici je crois qu'effectivement c'était incontournable d'interroger la nature des documents que vous avez pu rassembler, mais pour vraiment les intégrer, refaire une cartographie pour en tirer justement des conclusions peut-être plus objectives en quelque sorte. Donc je trouve que ce travail est important. Voilà, j'insiste là-dessus. Enfin, bon, une remarque, une question. Un mot qui est apparu régulièrement dans votre exposé, et vous avez vraiment mis l'accent là-dessus quand vous avez évoqué en toute conclusion l'importance, la nature des équipes qui participent à la reconquête de ces lieux, c'est le thème de paysage. Et vous avez dit que les paysagistes faisaient aussi partie de ces équipes, mais tout à la fin. Et effectivement, tout au long de l'exposé, je trouvais que le paysage était extrêmement présent, la réflexion sur le paysage. Cette question sur le paysage, elle m'est parue vraiment très importante avec le séjour aux États-Unis, mon séjour de recherche aux États-Unis l'année dernière, où en fait la question a été très abordée par des chercheurs en paysagisme. Et sur Dessau, c'était vraiment une équipe. Enfin, sur le projet que j'étudie à Saint-Étienne, donc Clivo-Franche-Amitié, dans l'équipe, il y a un paysagiste. Sur le projet de Dessau, il y a un paysagiste. C'est vraiment. Très prégnant en tout cas dans les démarches de projet, les équipes, la composition des équipes. Et c'est pour ça que c'est difficile de dire il est l'architecte, enfin, sachant que c'est une pensée vraiment globale, pluridisciplinaire et qui est vraiment à l'interface, que ce soit en termes d'échelle ou discipline, vraiment là on a une interface assez intéressante. Bon, encore une fois, je ne connais pas très bien ce sujet, mais j'ai des collègues qui sont beaucoup intéressés à ces questions à Lille, je pense notamment à Dominique Mons, qui a beaucoup travaillé sur. Qui était prof à l'école de Lille. Elle était géographe de formation. Et elle s'est longtemps intéressée à la transformation de la métropole lilloise, justement, dans une espèce de logique de décroissance liée à la décroissance économique, le deuxième volet que vous évoquez, pas simplement à la population, mais l'économie, dans les années 70-80, avec les reconquêtes qui s'organisent derrière, il y avait des projets de recherche par COPSU qui avaient été menés autour de cette thématique, et elle-même s'était beaucoup inspirée dans ses travaux de ce qui se passait dans la Roure, et c'était une championne des Hampshire Park. donc voilà. Ouais, c'est d'ailleurs la Roure. Enfin, dans ma frise, quand même, pour avoir les outils, donc cette frise se regarde par l'histoire. Donc la Roure, dans les programmes, donc ce que je disais, où il y avait les contextes allemands et américains qui ressortaient particulièrement, ces programmes IBA, et notamment l'Imshire Park et l'IBA 2010 sur la région de Saxonie-Anhalt, sont vraiment des éléments fédérateurs dans la manière de regarder la décroissance et la pratique du projet. Et l'IBA, la question du paysage est vraiment. Au cœur du projet, quoi. Donc je ne sais pas si ça arrive. Alors, tout ça aussi, ça fait penser à la manière dont on aborde le paysage dans les écoles de paysage en France, différentes écoles, et justement, encore une fois, vous allez dire, ma chien est absolument tout le monde a bossé à Lille, mais depuis, vous savez, il y a cette école de paysage qui est venue compléter l'école d'architecture, et cette thématique est très présente dans la formation des paysagistes qui sont en charge à Lille. Donc vous trouverez certainement des gens avec lesquels vous pourrez dialoguer, échanger. Mais c'est assez intéressant comme remarque parce que donc quand j'ai rencontré Michael Rodolphe, l'architecte de l'agence Station C23, donc lui est architecte urban designer, et en fait dans sa pratique professionnelle et notamment avec l'expérience de Dessau, il voit un glissement dans sa pratique où cette question du paysage est assez centrale par rapport aux échelles d'intervention et notamment sur cette question de la décroissance qui en devient centrale. Mais après, j'ai aucune prétention à dire que je suis paysagiste ou quoi par rapport à ça, mais c'est un sujet en tout cas par la thèse qui est soulevé et qui je souhaiterais approfondir par la suite. Très bien, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je suis prête. Non, allez-y, parce que là, c'est le moment. C'est le moment. c'est de terminer la thèse au mois de juin. C'est pas un objectif, c'est un choix. Je me l'impose. Une volonté. Une volonté. Même pas volonté, ça laisse trop de nuances. Ils ont pu poser une question. Ils vont pas vous contrarier. Ah non. Au contraire, c'est le moment. Faut y aller, quoi. Non. Je peux vous parler d'autre chose aussi. Ça. Bon, je vous laisse sans voix. Non. Sur ton organigramme de la fin, tu passais très vite dessus. Mon organigramme de la fin. Où tu dis, voilà, j'ai replacé les architectes au centre. Ouais. Tu pourrais juste très rapidement expliquer. Donc en fait, comme vous avez pu voir, ce qui est très compliqué, donc c'est le travail sur des sauts a été un décor. Enfin, j'ai dû décortiquer le projet, c'était très très compliqué. Plus j'avançais. Et les rencontres avec les personnes sur place cet été ont permis quand même de bien comprendre toutes les échelles et tous les niveaux de l'intervention. Et du coup, ce travail d'organigramme a permis de resituer en fait les différents niveaux d'acteurs, où j'ai dissocié donc la maîtrise d'ouvrage, qui est composée de la municipalité, mais aussi de l'agence de l'IBA et de la fondation Maos, mais qui ont aussi eu un rôle de l'assistance, la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage, qui sont composés avec cette maîtrise d'œuvre urbaine qui était l'agence station C23 qui ont défini le projet de corridor. Et en fait, donc, dans cet organigramme, j'ai eu un peu proposé une double entrée, où d'abord par le haut on a l'échelle de Dessau, et sur les côtés on entre par l'échelle de l'édifice et de l'espace public, qui ont aussi nécessité d'autres types d'acteurs, comme les bailleurs et propriétaires, mais aussi des architectes qui ont travaillé, donc on va dire, pour faire simple, il y a la stratégie Urban Core Landscape Zone, il y a le projet de corridor qui a été imaginé, et après il y a des petites interventions qui ont été soit orchestrées par la maîtrise d'œuvre urbaine, donc l'agence station C23, soit redistribuées sur des petites interventions par les habitants ou d'autres agences d'architecture. Du coup, la mise en place de l'organigramme, c'était pour comprendre en fait ces différentes interactions. Enfin, je vais essayer d'en faire la synthèse. Et c'est vrai que cette question de l'assistance, la maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage, c'est dans les discours que j'ai pu avoir, que ce soit pour le cadre des SAO, mais sur les autres projets, n'est pas forcément clairement identifié, ou dans la commande auquel répond l'architecte, n'est pas identifié comme élément auquel il participe. Mais va découler finalement ce type d'activité, aussi bien au niveau de la maîtrise d'ouvrage que la maîtrise d'œuvre, qui peut être aussi dans d'autres équipes d'architectes que des habitants, ils font du conseil. Donc l'habitant est aussi intégré comme acteur du projet. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Mais, et en fait, ce qui est là par rapport à cette question, ce qui était assez intéressant, c'était de voir en fait. Pour le projet donc, de corridor, donc, encore un échelon en dessous, donc, il y a ce projet de pixel. Donc, c'est des parcelles qui ont été attribuées aux habitants pour, dans ce qu'ils disent, expérimenter de nouvelles pratiques de l'espace public, ou que ce soit la mise en place, que la programmation est laissée aux habitants, mais avec un accompagnement de l'agence de l'IBA et de l'agence station C23. Et qui aujourd'hui, on s'est rendu compte, en allant sur le terrain, qu'il n'y avait pas eu de pérennité de l'action. Et que ça s'était en 2010, hein, à la fin du Bavre, tout s'est un peu arrêté, sauf quelques petites interventions qui ont pérennisé dans le temps. Donc sur 19, il en reste la moitié, ou encore il y a une dynamique par les habitants. Ouais, c'était pour pas mettre la liste d'autres acteurs qui ont pu, des artistes, enfin la composition des équipes, la case était trop petite. Non mais oui, ça a toujours architectes, urbanistes, des artistes, des journalistes, donc tout dépendait de ceux qui répondaient en fait avec l'IBA, donc c'est souvent en relation avec l'IBA qui faisaient le relais. et avec des équipes toujours très souvent pluridisciplinaires, des paysagistes. Justement, ce qui semble intéressant dans ces projets, ce sont ceux qui sont avec l'architecte, parler d'artistes, paysagistes, pour les venir. Ce sont ces gens-là qui doivent probablement donner la couleur au projet. La couleur du projet, avec le côté l'architecte orchestre finalement l'ensemble, la synthèse. Non, jusqu'à présent, la cartographie, c'était vraiment utilisé, non pas pour, en termes pour de découverte du territoire, mais vraiment pour rentrer dans le descriptif et l'analyse du contexte et du concept, pour me donner des clés de lecture, des éléments de compréhension du projet. Pas forcément sur de l'exploratoire, je sais pas si ça répond. Pas ta question. Pour me situer, moi c'est plutôt, enfin professionnellement parlant, c'est ce vers quoi je vais m'orienter, l'assistance à la maîtrise d'œuvre, une maîtrise d'ouvrage. Et après, par rapport à la thèse, en fait, c'est venu plus ou moins quand j'ai commencé à faire ces organigrammes, donc l'année dernière, quand j'ai voulu un peu repositionner un peu les différents acteurs, et puis de certaines anecdotes que les architectes me racontaient dans leur pratique, dans ces expériences de projet. Et notamment par exemple sur le projet de Saint-Étienne, où en fait le paysagiste qui était dans l'équipe de maîtrise d'œuvre, les habitants venaient les voir, voilà, du coup nous on veut quand même s'impliquer dans le processus de remodelage. Ils ne le disent pas comme ça, mais de ce que j'appelle de remodelage urbain. Donc, on veut travailler sur notre parcelle, mais bon, du coup, quel conseil vous pouvez nous donner pour pouvoir le faire en s'impliquant dans ce processus. Et puis par rapport aussi des SAO, ça a été très clair, notamment sur cette question du projet Pixel avec les habitants, justement à l'échelon en dessous du projet de corridor. Du projet de corridor, où là vraiment c'était une volonté d'accompagner les habitants, et eux faisaient vraiment la programmation, la mise en œuvre et l'entretien, enfin de tout projet, et ça fait dans le temps. Donc c'était pas, au début de thèse, c'était pas du tout une question j'avais pas du tout pressenti ça. Et finalement ça se ressent surtout, que ce soit aux États-Unis, ou pareil, un des projets que j'étudie, Improv Your Lot, où là c'est vraiment l'architecte a fait une analyse du contexte et du coup sa volonté c'est d'être là pour accompagner les habitants en donnant des clés de lecture du processus de transformation. Je l'ai vu à Saint-Étienne pour le programme Habiter autrement les centres-bourgs et puis là dans le projet de dessin. Ces contextes, même la pratique du remodelagement. Dans mon travail, il y a une dissociation quand même très claire entre les États-Unis et l'Europe, où en fait, les deux exemples que j'étudie à Détroit donc, sont uniquement impulsés, c'est des processus impulsés par les habitants, ou l'architecte est en dehors en fait, et là pose la question justement comment accompagner les habitants dans le processus de remodelage urbain spontané. Et en Europe, où là on est sur des exemples de projets quand même où l'État, donc là c'est quand même une dissociation sur la pratique, enfin sur l'action de la décroissance urbaine et sur la pratique du projet dans ces territoires-là, où en Europe, que ce soit en Allemagne ou en France, on a l'influence de l'État très forte, et notamment avec en Allemagne le programme Stadtumbauost ou en France avec l'ANRU. Donc c'est des territoires qui ont des financements assez lourds pour pouvoir intervenir. Donc là, il y a quand même des négociations qui se font entre l'architecte, les bailleurs, les habitants, la municipalité, les comptes à rendre au niveau de l'État. Enfin, il y a quand même une pratique qui est quand même très, très encadrée, qui est complètement différente aux États-Unis. Et aux États-Unis, ça m'a fait découvrir aussi des pratiques que je ne connaissais pas, notamment le pro bono, où en fait, pour ces communautés qui mettaient en place un travail de retransformation, donc soit à petite échelle ou à plus grande échelle, où en fait les architectes peuvent donner 1% de leur activité sur l'année pour aider ces communautés. Donc notamment sur cette question de donner un temps à ces communautés, donc justement cette question d'accompagner les habitants et d'avoir ce rôle d'assistance à maîtrise d'œuvre, d'une certaine manière, et maîtrise d'ouvrage. Donc il y a quand même une dissociation des pratiques qui font que déjà les contextes ne sont pas du tout comparables. Donc c'est aussi pour ça que je disais que je faisais plutôt une analyse, une mise en discussion que de la comparaison. Et ça a permis aussi de se confronter à d'autres contextes de pratique où l'Allemagne c'est quand même assez proche de ce que je peux connaître du contexte français. Mais d'aller aux États-Unis ça a été quand même une grande claque. Hein. Enfin, il faut dire ce qui est, mais c'était vraiment un autre univers en termes de pratique complètement différent. Et c'est vrai que l'enjeu n'est pas. Du coup, c'est pour ça que aussi je parle beaucoup d'architectes urbanistes, qui ce type de travail s'apprêterait à ce type de postulat, mais du coup, c'est vrai que la question de la pluridisciplinarité et de la complexité de la maîtrise d'œuvre ressort finalement dans ce projet. D'autres questions ? Je crois que dans votre résumé, vous évoquiez la difficulté causée par la langue du pays. Vous avez des choses à nous raconter là-dessus ? Comment vous avez outrepassé ces difficultés ? Ouais. Donc déjà, je ne parle pas allemand. Voilà, ouais. Moi, c'est bien. Non, cette question de la langue a été, dès le début, c'était un sujet, et pourquoi choisir l'Allemagne si je ne parle pas allemand ? Tout simplement parce que sur cette question de la pratique du projet non lié non décroissance, ça reste les plus avancés, où il y a le plus de recherches, où il y a le plus d'expérimentation, et notamment dans le cadre de l'IBA. Donc depuis 20 ans, il y a des choses qui se font, ce que je n'avais pas en France, en tant que contexte de référence. Donc c'est d'abord pour ça que j'ai choisi l'Allemagne, même si je ne parlais pas la langue. Par rapport aux deux projets, on sait que le projet de Dessau, il y a beaucoup de documents en anglais, et les interlocuteurs que j'ai eus parlent anglais, donc ça a été quand même très simple, et notamment la Fondation Bauhaus à Dessau, donc c'était pas forcément un souci. J'ai eu plus de difficultés pour le projet de Halle, qui est un projet de... c'est une stratégie de renouvellement urbain, donc à la différence de la ville archipel, là on est plutôt sur un enjeu d'une ville plus compacte, donc de démolition d'extérieur des grands ensembles pour maintenir le cœur des quartiers. Et c'est vrai que là par rapport aux documents c'est plus compliqué, et remettre aujourd'hui en question quand même le statut de ce projet, dans le sens où j'ai pas eu accès finalement à beaucoup de documents en anglais. Par contre les entretiens, et là ce qui est assez intéressant, ce projet n'est pas mené par une équipe d'architectes, mais en fait c'est la municipalité en fait qui a conçu le projet, donc c'est encore un autre cadre d'action, une autre forme de pratique d'avoir un peu une agence en interne d'urbanistes et qui a monté ce projet, donc c'est... mais ouais, donc ça a été assez difficile, donc c'était un défi de partir aux États-Unis, de faire des entretiens en anglais, que ce soit aux États-Unis ou en Allemagne. Et donc du coup j'ai des amis qui parlent allemand, donc sur certaines traductions et notamment des concepts, je leur demande des conseils. Mais après, donc voilà. Mais bon, ça m'a pas fait plus peur que ça, sachant que j'ai travaillé en Slovaquie et du Slovaque, j'ai fait mon diplôme sur le roumain, je me suis dit mon allemand c'est... ça peut aller. Peut-être pour vous poursuivre sur cette question-là, on voit bien qu'il y a une grande diversité des contextes, en fait, des sites terrains. Donc une question, c'est est-ce que cette diversité a eu des effets sur la méthodologie elle-même, c'est-à-dire a conduit à des modulations en fait, du dispositif méthodologique, certains terrains se prêtent plus à certains types d'investigation que d'autres. Oui, et même sur par rapport aux hypothèses de travail. Donc, suivant les hypothèses, il y a des choses qui ressortent plus. Certains terrains plutôt me permettent de répondre à certaines hypothèses. Et sur le mode d'investigation, pour différentes raisons, c'était plutôt des temps courts. Où j'ai pu avoir une pratique plus longue, ça reste à Détroit, où j'ai pu rester le plus de temps pendant mon séjour de recherche. Mais c'est vrai que c'est à chaque fois pour des questions de coûts, d'enseignement, des choses comme ça, j'ai eu des expériences de terrain plutôt assez courtes. Donc il m'a demandé d'être à chaque fois très efficace sur ce que je voulais voir, les personnes à rencontrer, les documents à chercher. Et après, pour l'instant, je suis dans tout ce qui est élément d'analyse, en fait, vu que je suis dans la phase d'analyse et d'écriture, je ne sais pas encore dans quelle mesure certains contextes vont s'apprêter. Enfin, j'ai pas encore tous les éléments pour répondre complètement à votre question. Alors, mais je ne sais pas si ça répond. Est-ce que, à titre de curiosité, est-ce que c'est possible de revenir sur le collage photographique? Donc, ça, en fait, pour vous expliquer, en fait, on était à Marseille, donc à l'objet de la journée doctorat de Marseille cette année, la question de l'outil, de ce que c'était le doctorat en architecture et les outils du chercheur en architecture ont été énormément soulevés, et je me suis posé beaucoup de questions sur quels outils prendre pour conduire mon analyse. Et en fait, j'ai développé ce collage analytique parce que c'est un outil qu'à la base j'utilise depuis mon diplôme en architecture, donc depuis 5 ans, que j'utilise plutôt dans ma pratique professionnelle pour analyser et me rentrer en immersion rapide sur un territoire. Du coup, comprendre les différents, à la fois donc, une immersion au niveau du paysage urbain, mais aussi les éléments qui composent un espace donné, des éléments de repère, donc c'est... un outil qui par rapport finalement aux questions notamment de paysages qui sont ressorties au fil du temps dans mon travail, a été un outil qui me permet justement de rentrer dans cette question-là. Et est-ce que vous avez de écrite. Oui, parce que cartographie, collage, oui, description écrite. Non, je ne suis pas lancée. J'y ai pas forcément pensé. Après, c'est toujours toute la difficulté entre le descriptif et rentrer dans l'analytique aussi. Et c'est vrai que c'est un exercice qui est quand même, en tant que jeune architecte, enfin, tant que diplômé en architecture et à être confronté à un travail de recherche, c'est, on est dans l'apprentissage en fait de ce passage. Donc, la recherche d'outils est quand même assez. Faut trouver les bons outils les plus adaptés par rapport à ce qu'on cherche. Mais le descriptif, ça peut être une. Je parle de la description parce que souvent en histoire, on se bat pour que les étudiants fassent des descriptions des bâtiments dont ils parlent, parce qu'ils ont accès à ces bâtiments. Et c'est un exercice intéressant parce que c'est un exercice de vocabulaire, pas simplement de style, et trouver les mots justes pour décrire des situations, des formes, ça peut être utile aussi pour comprendre. Parce qu'il y a un vocabulaire de la géographie, un vocabulaire du paysage. Voilà. Mm-hmm. Donc, est-ce qu'il est convoqué ou est-ce qu'il est esquivé par le dessin? Je ne sais pas. Pour l'instant, je me suis vraiment concentrée sur la représentation. Les outils graphiques. Et j'ai pas encore, j'avais pas posé la question si je travaille, si j'avais une description écrite. Est-ce que je pouvais voir. C'est bon, vous en avez assez. Bah non, c'est bon. Alors, comment ça va se passer? Ouais, donc on peut.